L'après-midi est libre. Certains garçons jouent aux boules ou au ping-pong. Daniel et Luc s'amusent aux jeux vidéo dans le sous-sol du bâtiment. Sébastien et Julien vont vers la clôture et regardent la forêt plongée dans un silence mystérieux. Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez obtenir le record du monde des regards en l'air ? Leur dit Thierry d'une voix ironique. Sébastien est furieux. Occupe-toi de tes affaires et laisse-nous tranquilles. Les murs étaient donc ensorcelés, réplique Thierry, qui rejoint les autres en souriant. Viens, on marche un peu sur la route. Je ne peux plus supporter le bavardage de ces idiots, dit Sébastien. Lentement, les yeux baissés, ils suivent la petite route. Ils ne se parlent pas. On devrait prévenir la police avant que le meurtrier ne frappe encore une fois, dit Julien. Ou n'ait frappé ce matin, ajoute Sébastien. Tout à coup, il s'arrête. Regarde, là, à l'endroit où a stationné la camionnette. Le mouchoir. Il a dû le jeter quand il est monté en voiture. La pluie de la nuit dernière a détrempé et a lavé les taches de sang pour ne laisser que des traces d'un rouge délavé. Ils arrêtent de marcher un moment. « On devrait... » dit Sébastien perdu dans ses pensées. Julien hausse les épaules, l'air hésitant. Puis, il se dirige vers la forêt, à la fois curieux et horrifié.